Les gens doivent se bouger le cul. On se bouge le cul. On se bouge le cul. Si on reste enfermé chez soi, on s'engraisse. On prend des cachets pour le cholestérol et après, on fait le trou de la sécu. Et c'est encore nous qui allons payer. Nous, on paye pour tout le monde. Je vais mourir sur place, mais on s'en fout. Je vais emmener la réforme avec moi là-haut. Oui! Oui! Oh, il me donne de l'énergie. Là, je sens que mon cœur est bon. C'est la lutte finale. On n'a pas envie de revenir demain, mais on va revenir beaucoup de fois. Jusqu'à ce que la réforme, elle est enterrée. Bravo! Et puis avant, qui va se faire foutre? Moi, je l'emmerde. Oh, c'est pas beau. C'est de bêtes à macroniste. Il y en a quand même, hein. Ils ont peur pour leur... Tous ces riches, ils ont peur pour leur fric. Et tous ces qui sont aidés, ils ont peur que s'il y a quelqu'un d'autre, qu'on leur enlève tout ce qu'on leur donne. Que c'est vous et moi qui payons pour tous ces gens. Moi, ça fait 42 ans que j'ai travaillé et je paye pour tout le monde. J'étais célibataire et j'ai payé un max d'impôts, même en travaillant au trésor public, contrairement à ce que les gens croient. Nous, on n'avait rien. Même pas de prime. Même pas de prime. Un sourire, c'est gratuit. Nous, on laisse notre énergie. Eh bien... Un klaxon, un klaxon. Allez, toute la ville doit klaxonner. On va gagner. Oh ben je sais. Et au moins on pourra dire qu'on a fait quelque chose. C'est le peuple qui est dehors. C'est pas le gouvernement qui décide. On n'a pas forcément voté pour le gouvernement. C'est la faute des gens qui sont pas allés voter. C'est leur faute. Si tout le monde allait voter, on n'en serait pas où on en est. Oui. Je sais, donc, vive les retraités, c'est les plus doués. Vive les retraités. On montre l'exemple aux jeunes. Les jeunes avec nous. Si je dois mourir, je m'en fous. Mais on va arriver au bout. Je me bats pour vous. Tous dans la rue. Il y en a maintenant marre. Nous ne sommes pas des moutons. Loin de là. On est plutôt des loups que des moutons. Il y a beaucoup de moutons. Quand ils auront plus d'air, bébé, ils verront. Oh, ben je fais des vers sans en avoir l'air. Oui, je me bats pour vous, madame. Je suis fatiguée, mais je m'en fous. Moi, je mets pas mon petit cul sur un siège. On se bouge le cul!